Merci Mike de ta chouette émission encore ce soir. On te retrouve mercredi prochain, même endroit et même heure. Bonne soirée à toi, je prends le relais. Musique live avec Yo sur Fadjet, chaque deuxième et quatrième mercredi du mois. Il est 20h, c'est le journal mensuel des actus en live de la musique, chaque deuxième mercredi sur Fadjet. Alors on va faire comme tous les médias à 20h qui vous annoncent que des mauvaises nouvelles, mais nous sur Fadjet on va vous annoncer que des bonnes nouvelles. Bon, la technique, on est prêt, on va faire un test, d'accord? Allez, c'est parti! Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition du journal de 20h. L'actualité aujourd'hui, c'est d'abord la situation dans le monde. Nous reviendrons aussi sur l'actualité en France. Nous évoquerons enfin l'actualité à Nancy et sa région. Cependant, dans ce journal, et en raison d'un mouvement de grève, des mauvaises nouvelles, il n'y aura que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Des infos, des concerts, des actus et de la musique. Live, il est 20h, bonsoir. Eh ben ça l'a fait. Génial. Bon, je suis fier, j'ai présenté le 20h, je vais le dire à ma mère. Allez, on commence l'émission avec les actualités internationales. Ça y est, l'événement tant attendu dans le monde entier arrive enfin. Le film Michael est enfin prêt à sortir et va sortir en première mondiale le 22 avril en France, juste avant sa sortie aux USA le 24. Un projet qui remonte à 2019 sur la vie de Michael Jackson. Il a fallu d'abord qu'un producteur puisse acquérir les droits, et ça va lui coûter bonbon. Puis trouver un distributeur, Lion Gates, aux États-Unis et Universal dans le reste du monde. Et enfin, un scénariste. En 2022, le casting commence. Début 2023, Antoine Fuga est recruté comme réalisateur. Puis, Lafar Jackson, un des neveux de Michael, est enrôlé pour jouer le rôle de Michael. Jermaine Jackson, son grand frère, aura aussi un rôle dans le film. Le tournage doit débuter en 2023, après le Covid, mais les techniciens du cinéma à Hollywood sont encore en grève. Le tournage est repoussé et se déroule sur 80 jours en 2024, principalement à Santa Barbara et à Gary, où vivait la famille Jackson. Ce film retrace 40 ans de la vie de Michael Jackson. La sortie du film était prévue courant 2025, mais il y a eu encore des empêchements, et finalement, le film sort là, ce mois-ci, au mois d'avril. En avril. Des manifestations sont déjà prévues un peu partout dans le monde. La bande-annonce du film en 24 heures a déjà été vue par 116 millions d'internautes sur Internet. Ça va être vraiment magnifique. Il y a des soirées costumées. Le Grand Rex à Paris va renforcer la sécurité sur les 4-5 premières séances parce qu'ils attendent tellement de monde, plus grand que la possibilité de capacité de la salle. Et puis, il va y avoir aussi tout un merchandising autour du film. Je pense que les recettes vont aller bon train. Autant dire que ça va être chaud à l'image de la carrière de l'artiste. On est impatient de voir cela. Allez, on va chauffer la salle en écoutant Billie Jean en live. Wow, c'était en 82 lors de la sortie de l'album Thriller et pour les 25 ans de la Motown, la fameuse maison de disques, et ça se passait au Madison Square Garden à New York. On y va, Billie Jean. Oh, you're beautiful. Thank you. Thank you. Yeah, those, I have to say, those were the good old days. I love those songs. Those were magic moments with all my brothers, including Jermaine. But, you know, those were good songs. I like those songs a lot, but especially I like the new songs. Une autre actu internationale, c'est lors d'une interview sur CBS News la semaine dernière, Don Henley, le leader des Eagles, annonçait qu'après leur concert au Sphere à Las Vegas jusque fin mars, les Eagles allaient probablement ne plus remonter sur scène. Il est temps d'arrêter, a-t-il dit, j'ai passé toute ma vie sur les routes et dans les hôtels et j'ai envie de passer du temps avec ma famille et de voir pousser mes légumes de mon jardin. Et puis je suis aussi engagé dans des fondations de protection de l'environnement où j'ai des combats à mener. Je continuerai aussi à me battre pour défendre les artistes qui se font exploiter par les grosses maisons de disques. Nous avons pu faire, grâce à nos actions, déjà une loi sur le sujet, mais le combat reste nécessaire. Bon, à suivre quand même, parce que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup de « on est trop vieux, on est des vétérans, il faut qu'on s'arrête », et hop, ils repartent un an après sur les routes du monde entier. Mais bon, là aussi, 78 ans, peut-être qu'il est l'heure aussi de terminer une carrière... au summum, puisque je pense qu'ils n'auront pas d'autres plus grandes expériences que celles qu'ils ont vécues depuis deux ans au forum à Las Vegas. Voilà, une autre info, cette fois-ci une bonne nouvelle concernant Phil Collins. Phil Collins a annoncé, était annoncé en soins palliatifs il y a quelques mois et réapparu dernièrement lors d'une interview en exclusivité mondiale il y a deux semaines, annonçant qu'il allait mieux, qu'il avait retrouvé le moral et annonce même qu'il se remet au travail en vue d'un nouvel album dont la sortie est prévue en 2027. En attendant, on le retrouve avec Another Day in Paradise en live à Paris-Bercy, c'était en 2009. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on, he doesn't look back. He pretends he can't hear her. He starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you. Think about it. Oh Lord, just think about it. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She's trying. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you. You and me in paradise. Just think about it. Just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Think about it. Just another day. Yeah. Oh, just another day. Allez, on passe à l'actu nationale maintenant et on va parler de Francis Cabrel. le chanteur d'Astafort, le chanteur n'a pas sorti d'album studio depuis 2020. Interrogé récemment, l'artiste de 72 ans déjà a confié s'être fixé comme objectif de sortir un album dans les prochaines années, sans doute en 2027. Le projet est déjà en route, a priori. Un album pour ses 50 ans de carrière. Il a expliqué qu'il était en train de préparer donc cet album. Il n'a pas souhaité de présenter de date exacte de la sortie. Toutefois, il a évoqué donc cette année prochaine, 2027. Je me suis mis pour objectif de faire un album, dit-il. J'ai déjà en route mes chansons. Mes vrais 50 ans de chansons, ce sera en 2027. Je vais essayer de tenir cette date-là. J'ai ça en tête et j'avance. Il faut beaucoup de patience, rajoute-t-il, pour faire des chansons et encore plus pour faire des guitares. J'écris des chansons de façon très quotidienne avec une sorte de discipline. Voilà, il vient aussi de re-signer très récemment un nouveau contrat avec son label Sony Music. Donc à mon avis, il tiendra l'échéance de 2027, sinon Sony lui rappellera. Voilà, donc on risque d'avoir un album de Cabrel l'année prochaine. On va d'ailleurs écouter une chanson à titre de Cabrel. Alors c'est pas un titre qui est parmi les plus connus, mais que j'aime bien particulièrement, puisque c'est une chanson qui est en fait une adaptation française d'une chanson d'un de ses maîtres outre-Atlantique, Jackson Browne. Et donc on va l'écouter dans cette chanson qui s'appelle « Rosie ». Déjà là bien avant que les camions ne viennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. C'était facile de lui parler, on a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Elle s'est assise à côté de moi sur les caisses de bière. Pendant que je mixais le son pour le groupe sur la scène en arrière. Les fixèrent sans brûler la peau, moi je la trouvais tellement belle. Après le dernier morceau, le batteur est parti avec elle. Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Rosie. Je suppose j'aurais dû deviner qu'elle venait pour les stars. Et m'empêcher de l'imaginer dans mes bras plus tard. Depuis tout le temps que j'en tremble, ce soir quand même j'ai compris. Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis. Tes yeux m'éclairent, de t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Recommencer la nuit. Oh, recommencer. Allez, on continue l'actualité en France et je vais vous proposer d'ailleurs quelques livres qui sortent ce mois-ci. Le premier, c'est celui de Laurent Voulzy, qui sort un livre donc autobiographique intitulé « Caché derrière ». Il sera dans les bacs de livres à partir du 16 de ce mois-ci et son prix, ce sera 20€. Un beau bouquet aussi, c'est le roman de Murat, un livre sur le chanteur Jean-Louis Murat, parti bien trop tôt et écrit par son frère Johan. Le prix du livre est à 23€. Un dernier livre à vous conseiller, déjà sorti, celui de Frédéric Quinonero, intitulé Michel Jonas, Mr. Blues, une belle biographie complète, et le livre est au prix de 22€. J'en profite pour vous rappeler que MJ, comme on dit, est en tournée avec son band dans toute la France et sera en concert à Metz le 7 mars prochain, à Metz. Place à partir de 47€, mais faites vite parce que j'ai vu qu'il en restait plus beaucoup. J'en profite pour saluer son clavier, Jean-Yves D'Angelo. Jean-Yves, on se fait une petite interview prochainement sur Fadjet. Bon allez, je t'ai envoyé le message, à voir, à suivre. Allez, on se fait plaisir, voici en live... Comme j'y étais ce soir-là en 1993, c'était pas hier, au Zénith de Paris, où on a chanté cette chanson avec tous les joueurs de blues. Vous êtes prêts à chanter ? Alors, c'est parti ! Tu te mets bambou sur les reins ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise chance au destin ou un bon point sur ce pas sûr. Shoot. pas où est Julie, petit garçon. Ma marquise, mais je me barre. Et 45 ans après, on est toujours des joueurs de blues avec Michel Jonas. Allez, on passe maintenant aux actus, aux infos de Nancy et sa région. On va commencer par un petit focus sur un endroit que vous connaissez bien, Nancy. C'est l'autre canal, qu'on appelle maintenant le lac. Il a été créé dans l'ancien quartier des abattoirs de Nancy, renommé aujourd'hui le quartier Meurthe Canal. Il est né d'un projet venu d'abord des musiciens nancéens, soutenu par un certain Charles-Élie Couture, mais aussi toute la bande à Tito et de l'équipe du NJP à l'époque, de Feu, le CMCN, des bars musicaux et des, tous les amateurs de musique qui reprochaient à une ville comme Nancy de ne pas avoir une salle à taille humaine, des endroits de répétition pour les musiciens locaux, un endroit de convivialité où on peut créer des projets tout autour des musiques locales. Il faut dire qu'à l'époque, seul le Zénith et la salle Poirel accueillaient les concerts à Nancy. Et ben pour là, le Zénith c'était privé, puisque c'est une entreprise privée, le Zénith. Et pour Poirel, c'était une salle qui était surtout spécialisée dans la musique classique. Alors, la municipalité de l'époque lança donc un projet en mettant autour de la table l'État, la région et maintenant depuis la métropole, pour créer un endroit ouvert à tous et pour toutes les bourses et permettant de faire rayonner une ville musicale sur toute une région. C'est d'ailleurs le lendemain de l'inauguration du TGV Est en 2007 que l'autre canal fut inauguré par le ministre de la Culture lui-même, en esquissant quelques pas de danse. C'est cool d'être ministre, surtout de la Culture. Depuis, on peut constater que cet endroit n'a cessé de progresser, de se développer, de se diversifier. C'est reconnu comme un smack, non, pas un bisou, mais une scène des musiques actuelles et culturelles, le SMAC. Des milliers de concerts donc se sont déroulés à l'autre canal depuis son ouverture. Les musiciens nancéens peuvent répéter dans plusieurs salles qui leur est dédiées. Ils peuvent s'enregistrer, faire des maquettes. Des projets sont montés à longueur d'année avec les associations locales. On y trouve aussi des résidences d'artistes qui viennent plusieurs semaines pour préparer un album ou pour préparer une tournée. Bref, un lieu vivant et qui va donc fêter en 2027 déjà ses 20 ans. Bon, en réalité, les 20 ans, ce sera fin décembre. Mais les manifestations seront en 2017, parce que en même temps, il y a un grand projet qui est en cours, qui a démarré il y a un an, qui, justement, va permettre au lac, mais aussi à l'Octroi, vous savez, le tiers-lieu qui est juste à côté de l'autre canal, l'Octroi, qui est dans le même quartier, et puis toutes les halles, la petite, la grande, la moyenne, ainsi que les bâtiments Octroi Nord et Octroi Sud, qui sont les derniers vestiges donc du fameux quartier des abattoirs à Nancy. L'idée, c'est de créer, avec tous ces endroits-là et toutes les dynamiques, de créer un LAM. Donc c'est un lieu à usage multiple qui serait une première en France avec celui qui existe déjà, mais je crois plus petit, à la Villette à Paris, sur un site aussi d'anciens abattoirs. Tiens, décidément. Pour illustrer en sonore ce lieu incontournable à Nancy, on va s'écouter deux titres, deux chansons. Tout d'abord, un projet qui date de un an pile entre le lac, donc l'autre canal, et l'association Arélia, celui de créer une chanson de toutes pièces par des personnes accueillies à Arélia et accompagnées pendant 3 mois et demi sur le projet par l'artiste locale Lina Bijoux, qui intervient au lac et que vous connaissez bien, car elle joue souvent dans les bars et les salles de concert à Nancy. Ensuite, je vous passerai un grand moment d'un concert au lac. C'était le groupe Ange qui était venu l'année dernière, en 2024, il y a 2 ans, pardon, avec son titre « Dignité ». Allez, on écoute d'abord la chanson réalisée par l'association Arélia. L'amour qui fuit, l'amour qui s'enfuit, au détour, sans retour, malheureusement, pour toujours, chez moi, sous mon toit, il n'a jamais été au rendez-vous. De moi, il se joue. Maudit amour, pourquoi n'est-il jamais venu à moi? Maudit amour, jamais présent sous mon toit. Jamais présent sous mon toit. Jamais présent sous mon toit. Nos corps se rapprochent, et là on danse. Ce petit baloche, c'est sans doute notre chance. Pas une parole, juste un sourire. Y a comme une auréole, une envie, un désir. C'est peut-être nous deux, c'est peut-être nous deux, c'est peut-être nous deux, nous deux. Pas vu, pas pris, sale philosophie. Tu vadrouilles, tu glandouilles, tu t'agenouilles dans l'idolâtrie. Pas vu, pas pris, sale philosophie. Lubrifie ta vie digitale, vis ta vie subliminale. Ça restera dans les annales. Pas vu, pas pris, sale philosophie. Pas vu, pas pris, sale philosophie. Pas vu, pas pris, sale philosophie. Pas vu, pas pris, sale philosophie. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Moi comme un con, je te croyais. Cupidon devait bien rire en te voyant me faire souffrir. J'aurais aimé faire ton bonheur, mais tout n'était que mensonge. Tu m'as déchiqueté le cœur. Aujourd'hui la peine me ronge. Si l'amour vient du cœur, il est tendresse et volupté, mais il n'est que douleur, sans respect ni fidélité. Le ciel est pur, avide de sens, avide pouvoir, je jette ma lance. Le ciel est beau, je suis exigeant. Tout ça, c'est pur, c'est évident. Marcher, courir, trottiner, c'est possible. Envie, pouvoir, au fond, c'est visible. Enterré, devoir, c'est nuisible. Façon, je m'en fous, c'est pas vous, ma cible. Façon, je m'en fous, c'est pas vous, ma cible. Façon, je m'en fous, c'est pas vous, ma cible. Façon, je m'en fous, c'est pas vous, ma cible. Façon, je m'en fous, c'est pas vous, ma cible. Voilà, ça c'était la chanson du projet Lac et d'Arélia. Je salue David et toutes les personnes qui ont participé au projet. C'était vraiment un chouette moment. Et là, on retrouve Ange, cette fois-ci, avec le titre Dignité, lors de leur concert en 2024. Ils reviennent là très vite, je crois au mois de mars. Je suis les actuels aussi avec l'annulation, vous le savez tous, de la tournée en Europe et donc du concert prévu en juin à Nancy de Neil Young. Il a écrit un petit message sur son site expliquant que c'était pas le moment pour lui de partir en tournée et qu'il était désolé pour la déception qu'il allait entraîner envers son fidèle public. Deux raisons peuvent expliquer sa décision, soit un problème de santé car le loner a quand même 80 balais et qui ne s'est pas ménagé durant toute sa vie, étant rafistolé de partout, ou une autre explication qui viendrait plus politique, d'une réelle tension entre lui et Donald Trump, qu'il traite de fasciste et de graine de dictateur, en ayant composé une chanson dernièrement pour contre lui, et racontant un petit peu les risques de la politique de Donald Trump, et il a mis au tribunal pour utilisation sans accord d'une de ses chansons. Bon, de l'autre côté, notre Donald a dit que il l'a traité d'espèce de vieux crouton cranaille et qu'il menace, s'il quitte les États-Unis pour une tournée, de lui retirer son passeport américain, d'autant plus que Neil Young est né au Canada. Il a seulement accepté sa naturalisation, enfin son intérêt, sa double nationalité canadienne et américaine il y a 7-8 ans. Donald Trump le menace de lui retirer sa nationalité américaine. Comme je disais, Young est né au Canada et c'est peut-être un petit peu tendu en ce moment entre les deux pays. Donc, il vaut peut-être mieux qu'il reste au chaud dans les montagnes là où il habite. Un dernier petit focus sur Nancy dans l'actu. Comme je le dis toujours, aller au concert, eh bien, si même on constate que le nombre d'endroits où on peut écouter de la musique live à Nancy est en baisse, il reste encore pas mal d'établissements ou de bars qui organisent des soirées-concerts. J'en ai dénombré 35, surtout en plein été avec les guinguettes. Mais ceux qui organisent le plus souvent, c'est-à-dire plusieurs fois par mois, ceux-là, le nombre est en baisse, puisque j'en ai comptabilisé une quinzaine. Vous trouverez toutes les infos directement sur leur site. D'ailleurs, il serait bien de les regrouper sur un réseau social de type concert bar Nancy avec les programmations à la semaine. Ce serait vraiment sympa de plutôt d'aller sur chaque site et de regarder c'est quand le prochain concert. Alors, je ne vais pas vous donner les endroits parce qu'on ne fait pas de publicité à Fadjet, mais je peux vous dire que là où il y a le plus de concerts, ce sont dans des bars qui sont pas loin de la cathédrale. Il y en a un autre endroit où c'est le long du boulevard Lobo, sur la gauche. Vous voyez, il y en a évidemment qui se trouve, il y en a un qui se trouve pas loin de la gare, pas loin du Parvis, là, Simone Veil, voyez, dans la vieille ville. Aussi, bon, bref, vous les trouverez vite et puis vous demandez, tout le monde les connaît. Un gros regret quand même en matière de spectacle vivant, c'est dommage qu'une ville comme Nancy n'ait plus de réel et beau café-théâtre, parce que là aussi ça attire beaucoup d'amateurs et de connaisseurs. On peut quand même voir des pièces de café-théâtre de ci, de là, au théâtre de la Foucotte. Et pour ce que je disais par rapport au concert dans les bars à Nancy, là on va s'écouter, c'est tout chaud, hein, c'était il y a 15 jours, dans un des bars de Nancy, et c'était organisé par l'ami Angelo. Angelo, tu viens vite aussi à Fadjet nous faire un petit coco, j'espère. Il y avait Charles Despré and the Midnight Reapers qui était justement en concert et on va les écouter dans un titre qui s'appelle Bad Vibe. Bad Wife. le style de concert qu'on peut rencontrer dans les bars, qu'on peut trouver dans les bars à Nancy, allez-y, c'est vraiment sympa. C'est des artistes locaux ou régionaux, parfois qui viennent d'autres régions de France. C'est vraiment chouette. Et puis l'ambiance est toujours très sympa. Voilà, on va passer à la rubrique maintenant de l'agenda des concerts dans la région. Alors, le 15, c'est dans quelques jours, là, à 20h, c'est Eros Ramazzotti qui vient en concert au Zénith à Strasbourg dans le cadre de sa tournée 2026. Ne cherchez plus de billets, c'est complet. Le 18, toujours au Zénith de Strasbourg, à 20h, c'est Mika qui prend la relève. Il reste encore quelques places à partir de 55€. Le 20 février, à 20h, c'est Garou, seul avec sa guitare, pauvre homme, qui viendra à Metz, congrès Robert Schumann dans le cadre de son solo tour. Il sera aussi à l'espace Chaudot à Lure en novembre 2026. Il y a Salvatore Adamo, indéboulonnable, qui sera en concert le 21 février à 20h au Capitole à Châlons-en-Champagne, la veille de sa soirée à l'Olympia à Paris. Il ne reste que quelques places à 39€. Le 5 mars, ce sont les frères Bernardini de Imouvrini qui seront à Metz-Congrès Schumann, toujours, à 20h. Les prix des places sont à 37, 50 et 55€. J'annonce aussi, déjà à l'avance, la venue de Manu Lanvin chez Paulette, à Panier derrière Barine, le 28 quoi ? Eh ben c'est le 28 juin, avec en première partie Zakoplane. Le prix des places en prévente est de 20€ et sur place 25€. Allez sur le site de Paulette parce que de nouveau il y a plein d'événements et d'annonces de concerts et je crois que le pub rock va redémarrer comme au plus beau jour. Voilà. Alors il y a aussi, ça c'est en août, c'est tout début août, l'avenue des mythiques Colonnes de Gang à la Foire aux Vins de Colmar le 2 août avec en première partie UB40, UB40 en français. Vous savez les rayés blancs, eh ben c'est eux. Eh ben ils sont en première partie, en deuxième partie le mythique Colonnes de Gang qui existe depuis 64. Le prix des places est pour la soirée avec les deux concerts est de 55€, c'est donné. Plus proche d'aujourd'hui, le 13 mars, les Folkeux vont pouvoir retrouver Alan Stivell, le harpiste breton célèbre dans le monde entier. Il sera à la passerelle à Florange pour la tournée de ses 60 ans de carrière. Les tarifs sont à 45 et 65€. Bon allez, on se fait un peu folk, on se met un petit tour de Trimartolo. Allez, c'est en live en 2007 au Vieille Charrue, mais ça change pas, c'est parti. Continue, on termine notre émission avec l'agenda à Nancy. Pour vous dire que Sébastien Tellier sera à l'autre canal le 5 mars à 20h. Les places sont entre 28 et 32 euros. Le 7 et 8 mars, c'est le festival Ça suffit à Essénay-Nancy, à la salle Maringer, vous connaissez, dans le parc. Avec au programme la chorale des 100 noms. Nana, une chanteuse qui est en train de percer, et Antoine Achelté, notre Nancéen, et plein d'animations, d'expos et de débats durant deux jours. David Hallyday, lui, vient au Zénith de Nancy le 14 mars à 20h30. Il reste encore des places à 55, 75, 95 euros. Eh ben, dis donc. Je serai à l'autre canal, voilà, je disais tout à l'heure, c'est le 18 mars qu'ils viendront en concert pour leurs 55 ans de carrière. Le 20 mars, c'est Superbus qui vient aussi à l'autre canal, mais là, cherchez plus de place, c'est déjà complet. Voilà, notre émission se termine et on va la terminer avec Neil Young, même si on regrette qu'il ne pourra pas venir à Nancy cet été, avec son titre le plus emblématique en live, Heart of Gold, qu'il n'oublie jamais de jouer. On lui souhaite de très vite se rétablir. Nous, on se retrouve mercredi dans 15 jours, même endroit, même heure, et cette fois-ci pour une super road trip, une balade en Californie, je vous dis que ça. La suite du programme de Fadjet après le carillon de 20h. Je vous souhaite une belle soirée à tous. À bientôt. Ciao. I won't do my sales pitch right now. It's these expressions I try to give that keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind and still a fine line keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of searching for a heart.